Vous écoutez France Culture. Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. Aujourd'hui, Camus, l'anti-Sartre. Bonsoir, merci d'être là pour cette première séance consacrée à Camus. Donc je vous proposerai un portrait du personnage et je voudrais démarrer à partir de Sartre, malheureusement, parce que j'aurais bien aimé pouvoir parler de Camus sans prononcer le nom de Jean-Paul Sartre, mais c'est vraiment indissociable. D'abord parce que la biographie a été indissociable, la biographie des deux personnages. Deux personnages, deux caractères, deux tempéraments, deux façons de faire de la philosophie aussi. Il y a chez Camus une façon de se soucier de l'éthique de conviction sans jamais oublier l'éthique de responsabilité et vice-versa. Il y a chez Sartre un souci de l'éthique de conviction sans souci de l'éthique de responsabilité. Il y a d'un côté un fils de pauvre qui fait de la philosophie pour sauver sa peau et sauver la peau de ceux qui l'estiment être des siens. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui fait de la philosophie parce qu'il est né pour ça, parce que c'est un héritier, comme aurait dit Bourdieu, parce que c'est un normalien, parce que c'est un personnage extrêmement intelligent, qui le sait, et qui a décidé de faire de son existence une grande occasion littéraire. Sartre est quelqu'un qui veut marquer les lettres de son temps, de son époque, c'est quelqu'un qui veut être célèbre grâce à la littérature. Et Simone de Beauvoir aussi. Camus est quelqu'un qui veut être fidèle à son père ouvrier agricole, à sa mère femme de ménage, à son milieu, à la pauvreté qui a été la sienne. Ce sont deux façons vraiment de faire de la philosophie. Et on verra comment l'un détruit l'autre, casse l'autre, salit l'autre, parce qu'il s'agit non pas de débattre. On ne débat pas avec des gens qui ne sont ni agrégés, ni normaliens, ni fils de pauvres. Mais simplement, il s'agit d'empêcher que la pensée d'Albert Camus puisse exister. Il y a une pensée philosophique considérable. C'est une pensée socialiste et libertaire. Socialiste et libertaire. Nietzschéenne et de gauche. Je ne fais pas un autoportrait dans cette aventure. J'ai découvert des choses à la lecture de l'œuvre complète qui me permettront d'argumenter, vous le verrez, sur ce sujet-là. Et c'est exactement ce qui se joue entre Marx et Proudhon, c'est-à-dire deux conceptions du socialisme, socialisme autoritaire de Marx, socialisme libertaire de Proudhon, socialisme autoritaire de Sartre, socialisme libertaire de Camus, et Marx ne recule devant rien pour détruire Proudhon. Sartre ne recule devant rien pour détruire Albert Camus. Il s'agit donc de lire vraiment Camus et d'en finir avec la légende sartrienne sur Camus. Vous connaissez ma méthode, lecture de l'œuvre complète, lecture des correspondances, lecture de biographie, mise en perspective de ces trois instances-là pour faire surgir un personnage, et pour montrer que les idées ne tombent pas du ciel, mais qu'elles montent d'un corps, qu'elles montent d'une chair, qu'elles montent d'une époque, d'un milieu, qu'elles montent d'une famille. Alors il y a une légende sartrienne, c'est celle de l'université. On verra d'où ça vient, très précisément. C'est Jean-Jacques Brochier qui est l'auteur de ce livre. On fait de Camus un philosophe pour classe terminale. On ne va pas rentrer dans le détail. Moi, je trouve que ce n'est pas si mal que ça d'être un philosophe pour classe terminale. C'est bien qu'en classe terminale, des individus puissent lire de la philosophie et ne pas en être écœurés ou dégoûtés, mais y trouver vraiment un compte existentiel. Quand on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, on a envie d'entendre parler du suicide, de l'angoisse, de la peur de mourir, du sens de l'existence, de la douleur, de l'amitié, de l'amour, du donjuanisme, du libertinage et ce genre de choses, et on a peut-être plus envie d'entendre ça que d'entendre des considérations sur l'en-soi, sur le pour-soi, sur le pratico-inerte, ou sur le rôle de la dialectique hegelienne dans l'accomplissement de la raison dans l'histoire. D'ailleurs, l'ironie veut qu'aujourd'hui, dans la liste des auteurs officiels, ce soit Sartre, le philosophe, qui s'y trouve, et pas Camus. Camus fait toujours partie de ce no man's land. Les philosophes en font un littéraire, les littéraires un philosophe, et personne ne le lit. Alors qu'il est les deux, qu'on devrait pouvoir lire en même temps les romans, en même temps les livres de philosophie, et puis le reste de l'œuvre pour voir qu'il y a une cohérence, une pensée vraiment digne de ce nom. évidemment arrogant, suffisant, prétentieux. Je parle de Jean-Paul Sartre. Parce que ces temps-ci, avec l'arrogance, il faut faire attention. Mais je parle de Jean-Paul Sartre tel qu'il est, non pas tel que je le pense. Je vous renvoie aux mots. Et les mots sont remplis de références qui montrent un personnage arrogant, suffisant. Enfin, Sartre pense qu'il est né pour ça, qu'après tout, il a dans sa famille Albert Schweitzer, que c'est une famille dans laquelle il y a des livres, dans laquelle on écrit. Il est destiné à être un grand homme, et il fera de la littérature, ça paraît évident, il est fait pour ça. Eh bien, alors évidemment, Henri IV, l'école normale supérieure, etc., eh bien, on va faire de Camus quelqu'un qui n'est pas agrégé, qui n'est pas bien né, qui n'est pas normalien, qui n'a pas fait les bonnes écoles. Bien sûr, il a eu la tuberculose et on lui a interdit de passer les concours. Donc, effectivement, il ne peut pas se réclamer de cette école qui formate les esprits et on le lui reprochera. Donc, Camus est quelqu'un qui ne lit pas les philosophes. Quand il les lit, il ne les comprend pas. Quand il aborde tel ou tel philosophe, Hegel par exemple, il ne lirait que des morceaux choisis. Mais on reviendra sur ce détail parce qu'effectivement, il lit les morceaux choisis de Hegel, mais très exactement comme un certain Jean-Paul Sartre. Parce qu'à l'époque, quand on n'est pas un germaniste de haute volée, ce que n'était ni Camus ni Sartre, eh bien, on lit les traductions qui sont faites, et les traductions, ce sont des traductions de morceaux choisis, ce sont des anthologies. Donc Sartre reproche à Camus ce qu'il aurait pu se reprocher à lui-même, bien sûr. Politiquement, la grande affaire, il s'agit de détruire un Albert Camus socialiste libertaire. Il s'agit de montrer que quelqu'un qui est libertaire ne peut pas être socialiste. Un libertaire, c'est un libéral, c'est un homme de droite, l'affaire est réglée. Camus est donc un mandésiste, un social-démocrate. On abordera cette question-là, ce n'est pas parce que vous votez une fois pour un social-démocrate, en l'occurrence Pierre Mendès France, que pour autant vous êtes toujours social-démocrate. On verra l'articulation chez Camus entre une conviction libertaire, franchement signifiée, du début jusqu'à la fin, et puis ce que Sioran appellerait bricoler dans l'incurable, c'est-à-dire voter, quoi, de temps en temps, en choisir un contre l'autre, et puis donner sa voix à celui-ci plutôt qu'à celui-là. Camus n'a jamais été un social-démocrate. Il a été, du début jusqu'à la fin, un socialiste libertaire. Je vous le montrerai aussi le temps venu. On en a fait le penseur des petits blancs, pensez-vous bien. Évidemment, il est en Algérie, ses parents sont blancs, originaires d'Europe, donc la logique sartrienne, c'est très simple. Les blancs sont les méchants et les arabes et les musulmans sont les bons. Et tous les blancs sont des colons, sont de riches propriétaires. Et il oublie que 80% des gens qui sont là-bas sont des gens modestes, des petits, des sans-grades, des gens qui travaillent à la poste, des instituteurs, des fonctionnaires qui font fonctionner la machine bureaucratique et sûrement pas tous des grands propriétaires arrogants et suffisants. Il y en a, bien sûr. Le colonialisme, c'est ça aussi, la suffisance des grands propriétaires. L'arrogance des grands propriétaires, ça a existé, bien sûr, et Camus l'a dénoncé bien avant Sartre. Mais on a fait de lui, évidemment, le penseur qui défendait l'Algérie française. C'est faux. Il défendait une Algérie dans une configuration particulière avec la France. On verra comment. Mais c'est une configuration libertaire, coopérative, mutualiste, fédérative, mais sûrement pas deux États. Des anarchistes, les anarchistes ne sont pas des grands défenseurs de l'État. Mais on a fait effectivement de lui le défenseur de l'Algérie française. L'Algérie française, c'est comme vous le savez le slogan de l'OS. L'OS n'existe qu'après la mort d'Albert Camus, après 1960. Donc c'était une façon d'insulter le personnage définitivement, à quoi on a ajouté qu'il avait été le philosophe du colonialisme et qu'il avait rendu possible le colonialisme, pendant que Sartre, lui, de son côté, faisait l'éloge de Frantz Fanon, qui lui faisait l'éloge des égorgements, des assassinats, etc. On ira voir dans le détail ce qu'ont été les engagements de Camus précisément sur ce sujet-là. Il y a un vrai dispositif anti-Camus. Il s'agit, pour Jean-Paul Sartre, qui a décidé qu'il serait le Stendhal de son temps ou le Spinoza de son temps, il s'agit d'écarter tous les prétendants au trône. Il y a un trône et un certain nombre de prétendants, même si Camus n'a jamais été prétendant à ce genre de trône. Mais Sartre, lui, l'était. Et Simone de Beauvoir aussi. Donc il s'agit d'écarter celui-ci, celui-là, et Sartre ne reculera devant rien. Et l'occasion est donnée, avec L'homme révolté, de détruire le personnage, vraiment, de l'assassiner définitivement. Le livre L'homme révolté paraît le 18 octobre 1951. Dans l'équipe des temps modernes, on se demande comment on va rendre compte de cet ouvrage, et c'est finalement à Francis Janson que la besogne échoua et l'assassinat. Et Janson rédige un texte qu'il intitule « Camus ou l'âme révoltée », dans lequel il assassine absolument Albert Camus. Le livre a plu à la droite, donc c'est un livre de droite. C'était la pensée, pensée entre guillemets, mais la pensée de la guerre froide, qui n'est pas avec nous et contre nous. Quand on lui dit que son livre a plu à la droite, et que donc il est un livre de droite, Camus dit cette phrase magnifique, « Si la vérité était de droite, je serais de droite ». Et c'est une idée dont il ne faut jamais se départir, ne pas penser parce qu'on est un homme de gauche dans les catégories de la gauche, parce qu'on est un homme de droite, un être, hein, j'entends bien, les femmes sont des hommes comme les autres sur ce sujet-là, parce qu'on est croyant que la vérité est dans la foi, parce qu'on est athée, que la vérité est dans l'athéisme ou je ne sais quoi. Oui, il y a un certain nombre de vérités, bien sûr, la droite n'est pas la gauche, la croyance n'est pas l'athéisme, mais pour autant, la vérité transcende tout ça. Et il se peut que parfois, nos adversaires aient raison. Alors, rendons hommage à ceux qui ont raison. La raison, ça existe. La justice, ça existe. La vérité, ça existe aussi. Et justice, raison et vérité sont parfois dans le camp de la droite, parfois dans le camp de la gauche. Donc effectivement, Camus n'est pas quelqu'un qui se trouve encombré par son véritable engagement de gauche. Oui, il est de gauche, mais il est capable de dire que si la vérité devait être de droite, alors il serait de droite et que ça n'est pas un problème. Le problème, c'est la vérité. C'est donc le procès que l'intelligentsia parisienne fait au fils de pauvre. Sartre, c'est donc l'héritier. Il nous fait savoir qu'il n'est pas question de négocier avec un personnage qui est malvenu, qui n'est pas du bon sang. Il y a une aristocratie terrible chez Simone de Beauvoir et chez Jean-Paul Sartre. Et si on rentre dans le détail, on verra, quand on abordera le cas Beauvoir, une espèce de mépris de ce qui n'est pas l'élite. Beauvoir dit très précisément qu'elle n'aime que les bons élèves dans sa classe et qu'elle s'adresse à 3 ou 4 personnes dans chacune de ses classes et que le reste est de la valetaille, qu'on n'a rien à faire de ces gens-là. Et la position aristocratique, elle va durer longtemps chez ces deux-là. Et puis, il y a un moment où le communisme leur permettra un formidable ascenseur social. Donc, à ce moment-là, on s'occupera un peu du peuple, mais du peuple avec une majuscule. C'est la majuscule qui intéresse, c'est l'idée qui intéresse ces deux-là. C'est pas du tout la vérité du peuple, la réalité du peuple ou le peuple incarné. On a réduit Albert Camus au moralisme, c'était la pire des choses. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui nous font savoir qu'on est dans la morale, on est dans le moralisme, on est dans la moralité. Et alors, quelle est cette étrange idée qui consiste à dire qu'il y a deux registres, la politique d'un côté, la morale de l'autre, et que ce sont deux instances séparées. Vieille thèse de Machiavel, mais vieille thèse aussi des marxistes, qui nous font savoir que la politique a sa raison, ou a ses raisons, que l'éthique ne connaît point. Camus dit non, on doit pouvoir faire de la politique et de la morale en même temps. L'éthique est politique, la politique est une éthique. Donc on doit pouvoir tenir ces deux instances-là en équilibre. Sartre a décidé effectivement que la politique n'avait rien à voir avec la morale et qu'on devait passer par-dessus bord ce qui pouvait être bien et mal. Donc à partir de ce moment-là, on fait de Camus un philosophe pour classe terminale. Il nous propose une éthique de boy scout, c'est l'expression qu'utilise Francis Janson, et donc il est mort. Et c'était quand même passé sous silence une dimension considérable dans L'homme révolté, qui est la dimension positive du livre. Oui, c'est un livre qui est très négateur, voire négatif. Il y a des pages terribles sur les vedettes de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire Sade, Lautréamont, c'est-à-dire Rimbaud, les surréalistes, Breton, etc., etc. C'est d'une extrême violence, mais d'une extrême justesse aussi. Parce que le fils de pauvre considère la littérature en haute estime. C'est sérieux, les idées, quand on a été obligé de les conquérir comme Albert Camus. C'est sérieux, les livres, quand on était obligé de les emprunter à la bibliothèque, qu'on ne les avait pas à la maison et qu'il fallait les rendre à la date exacte. Donc Camus prend les idées au sérieux, prend les livres au sérieux et prend les auteurs au sérieux. Et il lit Sade avec sérieux. Ça n'est pas un jeu de mots, la littérature de Sade. Ça n'est pas un agencement de situations qui n'auraient rien à voir avec le réel, pas du tout. Il est négatif sur Marx, il est négatif sur Hegel, on reviendra là-dessus. Mais il est positif sur la question du socialisme libertaire. Je n'entre pas dans le détail de ce qu'est la composition des livres de Camus. C'est de fait mal composé. Mais ceci dit, Simone de Beauvoir n'a pas beaucoup de leçons à donner à Albert Camus sur ce terrain-là. C'est effectivement quelqu'un qui est un autodidacte en matière de philosophie. Ça n'est pas, même s'il a fait des études supérieures, ce n'est pas quelqu'un à qui on a appris à composer un discours, à rédiger une dissertation. à construire un argumentaire. Et il y va un petit peu à la va comme je te pousse de temps en temps. C'est pas toujours très équilibré. Il y a parfois 4 pages sur un personnage, puis 2 pages sur l'autre, et puis on passe de l'un à l'autre. Oui, on peut lui faire ce genre de reproche. Mais toujours est-il que si on va chercher ce qui est positif dans l'œuvre et qu'on voit ce qu'il nous dit, Albert Camus, il défend la positivité d'un socialisme libertaire. Il fait des références à Varlet, qui fait partie avec Jacques Roux, d'Olivier, etc., des gens qu'on appelait les prêtres rouges, et que Patrick Kessel avait appelé les gauchistes de 1789. Il fait référence à Proudhon. Il y a de l'antisémitisme chez Proudhon, il y a de la misogynie chez Proudhon, il y a la critique du communisme chez Proudhon, etc. Enfin, un certain nombre de choses qui pouvaient séduire Vichy, et puis il y a le contraire de ça aussi. Il y est question aussi de l'anarcho-syndicalisme, c'est-à-dire cette façon de faire de la politique sans l'État, sans confier son destin à des gens qu'on aura élus. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, l'anarcho-syndicaliste dit le bonheur, c'est notre affaire. Ici et maintenant, et pas dans la délégation. C'est de faire dans l'endroit où on se trouve, dans son école, dans son atelier, dans sa famille, ici, là ou ailleurs, de faire la révolution à laquelle on croit. Il cite d'ailleurs Fernand Pelloutier, qui est l'un des maîtres de l'anarcho-syndicalisme. Il y a un débat avec Bakounine aussi. Gaston Leval, qui lui était un spécialiste de Bakounine, a reproché à Camus, avant qu'il ne devienne ami, mais de n'avoir extrait que des textes qui allaient dans son sens. Il pense effectivement que la violence dont Bakounine fait l'éloge n'est pas une bonne chose, Camus, et Leval a tort. Et Camus a raison dans son intuition. Bakounine a toujours fait l'éloge de la violence révolutionnaire, du début jusqu'à la fin de son existence théorique, et puis sur les barricades aussi, concrètement. Une réflexion sur la question de la Confédération, des réflexions également sur ce qu'était la Première Internationale et le putsch marxiste, comment Marx a décidé de s'occuper du leadership de la Révolution en Europe à cette époque-là. Et puis une référence permanente à l'Espagne révolutionnaire, à l'Espagne anarchiste, à la Confédération nationale du travail, la CNT. Syndicalisme, libertaire, là aussi, extrêmement concret. Ce sont des choses qu'il y a dans l'homme révolté. À lire les critiques que Sartre réserve à Albert Camus, on ne peut pas savoir qu'il y a dans l'homme révolté une proposition socialiste libertaire, une critique du marxisme, mais au nom de la gauche, une critique du socialisme césarien, ce qu'il appelle le socialisme débarbelé, mais au nom du socialisme libertaire. C'était donc pas un homme de droite, Camus. C'était l'homme d'une autre gauche. Et c'était l'homme d'une gauche qui n'était pas marxiste-léniniste. Donc il aura fallu le salir pour considérer qu'il n'était pas lisible, défendable, ou qu'il n'était pas même un adversaire digne de ce nom, puisque, fils de pauvre, il ne savait pas lire, et quand il lisait, d'ailleurs, il ne comprenait rien. On lui reprochera son style aussi. Il écrivait trop bien. Comme si être de gauche et faire triompher des causes de gauche, ça supposait écrire comme un cochon. C'est tenté que les cochons écrivent, d'ailleurs. Mais ça a été un reproche. Il écrit trop bien, a-t-on dit, d'Albert Camus. Et puis on a passé sous silence, à cette époque-là, le combat anticolonial de Camus depuis 1939. « Misère dans la Kabylie », texte sur lequel on reviendra, est un texte extraordinaire qui dénonce les méfaits du colonialisme en Algérie. Camus est clairement anticolonialiste, c'est-à-dire ça se voit sur le papier avec une signature, avec cette série de papiers qu'il fait pour un journal. Alors, il y a un débat dans cet ouvrage « Quel homme révolté ». Est-ce que le marxisme est une nouvelle religion ? Camus répond oui. Le schéma chrétien a été repris et le schéma marxiste réactive le schéma chrétien. Vous avez le péché, mais le salut est possible. Vous avez la possibilité du millénarisme. On a la possibilité de réaliser le paradis que nous avons perdu. Il suffit juste d'une conversion. Conversion à la révolution, etc. etc. La dialectique justifie-t-elle les camps ? Camus en fait la démonstration. Effectivement, on se sert de la dialectique hegelienne pour dire la négativité n'est pas une fin en soi, mais c'est un moment dans un grand mouvement, c'est-à-dire que le camp de concentration en Union soviétique, c'est pas évidemment la fin du communisme, mais c'est un moment nécessaire dans la réalisation du communisme, nous disent Sartre et les communistes à l'époque. Et Camus dit pas du tout. Pas du tout, la négativité, elle est négative, point, la ligne. Elle ne prépare pas une positivité. On ne prépare pas la paix avec la guerre. On ne prépare pas le bonheur avec des malheurs. On ne prépare pas la liberté avec la tyrannie et la dictature. Ça n'est pas pensable. Et Camus dit également dans cet ouvrage que le réel a donné tort aux prophéties de Marx. Et effectivement, Marx nous disait qu'il suffisait de laisser faire le capitalisme. et que la mécanique produirait de facto, avec la paupérisation, elle produirait de facto la révolution. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que le capitalisme s'est modifié, il s'est transformé, il y a eu une société de consommation, il y a eu la guerre, il y a eu le fascisme, etc. Et Marx a eu tort dans ses prophéties. Et Camus dit, mais alors, peut-être qu'on pourrait s'entendre sur ça. Il n'a pas dit que des vérités. Marx, il se trompe sur beaucoup de choses. Alors pourquoi pas sur le reste ? C'est un débat qu'il voulait poser, Camus, avec cet ouvrage-là. Évidemment, ce débat-là n'a pas eu lieu. Je voudrais, pour comprendre les raisons de cette haine de Sartre à l'endroit de Camus, proposer une hypothèse qui a à voir avec la biographie. À la Libération, au moment, après la Libération, quelques temps après la Libération, c'est-à-dire au moment où paraît L'Homme révolté, au moment où Sartre diligente cette fameuse critique de L'Homme révolté, eh bien, ils ont tous les deux un passé. Pour l'un d'entre eux, c'est un passif, et pour l'autre, c'est assez honorable. C'est-à-dire pour Sartre, effectivement, c'est assez déplorable, et c'est très honorable pour Camus. Et je pense qu'effectivement, il y avait chez Sartre le désir d'en finir avec quelqu'un d'impeccable, au trajet impeccable, parce qu'il pensait qu'en salissant quelqu'un comme ça, ça le rendrait propre, lui, qui ne l'avait pas été. Alors, Sartre n'a pas été propre. Je vais être rapide, parce qu'on pourrait développer, évidemment, et en même temps vous donner des textes pour éviter qu'on puisse croire que je suis dans le procès d'intention. On me dit « vous êtes méchant avec Sartre ». Je dis « mais je ne suis pas méchant en donnant des faits ». Je donne des faits. Il y a une légende de Sartre qui a été écrite par Simone de Beauvoir, la légende d'un Sartre qui a été antifasciste de la première heure, résistant, un personnage qui a dénoncé les camps de concentration en Union soviétique très vite et très tôt, etc. C'est une légende totale. C'est une légende totale. Ce qu'on peut reprocher à Sartre, ça n'est pas de ne pas avoir été courageux, on a le droit de ne pas avoir été courageux, c'est d'avoir écrit qu'il l'avait été. Donc je vais vous donner un certain nombre de faits en procédant chronologiquement et en montrant que Sartre s'est beaucoup trompé. Premièrement, sur la question de la montée du nazisme, parce que c'est tout de même un homme qui nous a fait savoir, en fin d'existence, qu'il n'avait rien à regretter, qu'il ne se reprochait rien du tout, que quand il se retournait sur son passé, tout était parfait, que c'était extraordinaire. Je vous renvoie à la cérémonie des adieux, par exemple, où il est d'une espèce de grand contentement à son endroit. Il ne s'est jamais trompé. Il n'est jamais revenu sur un sujet en disant « là-dessus, j'ai peut-être pas fait comme il aurait fallu faire ». Jamais, jamais, jamais. Sur la question de la montée du nazisme, il dit en décembre 1970, c'est-à-dire que ça laisse le temps de la réflexion, à Gerassi, John Gerassi, qui est un personnage qui faisait des entretiens avec lui pour une biographie autorisée. Il dit en 1933, je vous rappelle qu'en 1933, c'est l'année où Hitler arrive au pouvoir. 30 janvier 1933, Hitler est au pouvoir, Jean-Paul Sartre passe une année en Allemagne, il s'agit de lire la phénoménologie allemande dans le texte, il s'agit de lire Husserl et Heidegger, il est en Allemagne. Il nous dit en 1970, Jean-Paul Sartre, j'ai passé une année formidable en Allemagne. Je n'ai pas compris la signification du défilé des nazis au pas de loi sur la Kundam, soit, mais la plupart des Berlinois que je connaissais les prenaient à la rigolade comme moi. Sauf qu'on est Jean-Paul Sartre. On a le droit peut-être que de ne pas comprendre, de ne pas saisir quand on est un Allemand moyen en 1933, mais quand on est Jean-Paul Sartre, prétendument la conscience éclairée de son siècle, sont des choses qu'on devrait saisir, comprendre la dangerosité de ce mouvement-là. Sur la question de l'Italie mussolinienne, Gerassi lui parle de son propre père, qui lui était un militant très engagé. Gerassi lui dit « Au moment où Fernando, son propre père, hein, Gerassi, donc combattait les fascistes en Espagne, vous êtes parti avec le Castor visiter l'Italie fasciste. Et de là, vous avez écrit non pas sur Mussolini, mais sur la mortadelle succulente que vous mangiez. » Et de fait, il faut lire la correspondance. Parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Quand Sartre est en Italie, il écrit 15-20 pages. Pas de considération antifasciste. Pas de considération anti-mussolinienne. Rien. Jamais. Nulle part. Sartre répond. Eh bien, heureusement que la plupart des journalistes qui font les interviews ne sont pas s'y rentre-dedans, à moins qu'ils ne s'informent pas. C'est Sartre qui parle. Hein. Je vous renvoie à une citation de Simone de Beauvoir. Elle explique une chose que je porte aussi à votre connaissance, sans vouloir être méchant avec la grande sartreuse, comme on a dit. Dans La force de l'âge, elle dit « Cette année-là, Mussolini avait organisé à Rome une exposition fasciste et, pour y attirer les touristes étrangers, les chemins de fer italiens leur consentaient une réduction de 70%. Nous en profitâmes sans scrupule. » Pour valider les billets, il fallait visiter quand même cette exposition fasciste. Hein, et c'est une exposition dans laquelle on exhibe les matraques et les revolvers des fascistes morts au combat. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre vont visiter l'exposition, se font tamponner leurs billets et bénéficient des 70% de réduction. Sur le Front populaire, elle nous fait savoir, Simone de Beauvoir, qu'ils n'ont pas voté. Ça ne les intéressait pas. Que finalement, c'était l'affaire des ouvriers, que bon, d'accord, ils étaient de gauche, mais finalement, ce n'était pas leur problème. Donc, ils ont regardé passer les manifestations dans la rue. Toujours ces entretiens avec Guérassi, mai 1971. C'est Sartre qui parle. Les rassemblements, les défilés, les manifestations, tout ça, c'était des actions que nous approuvions, mais ce n'était pas notre truc. Vous comprenez, le Front populaire était un soulèvement ouvrier. Et nous avions beau être totalement de leur côté, nous n'étions pas des ouvriers. Donc, si nous prenions part à leur machin, c'est le mot qu'il utilise, hein, si nous prenions part à leur machin, c'était en qualité d'étranger. Les ouvriers occupaient les usines, j'étais censé faire quoi ? Occuper mon bureau ? Autrement dit, ma table de travail ? Donc voilà, je vous apporte les... Hein, je ne commande pas. Voilà les raisons pour lesquelles Sartre et Beauvoir passent à côté du Front populaire. Ils sont munichois, évidemment. Je renvoie aux mémoires de Raymond Aron. Raymond Aron écrit « Le conformisme va si loin que Sartre, dans le sursis, présente tous les munichois comme des salauds, alors que lui-même, par pacifisme, approuva l'accord des quatre. » Simone de Beauvoir elle-même, dans « La force de l'âge », page 345 pour les sceptiques, « Le pacte de Munich fut signé. Je n'en éprouvais pas le moindre scrupule à m'en réjouir. Il me semblait avoir échappé à la mort, et pour l'éternité. Il y avait même dans mon soulagement quelque chose de triomphant. » Cinquième point, sur la question du pacte germano-soviétique. On a vu que Nizan démissionnait du Parti communiste français, justement parce que le PCF avait choisi de soutenir l'alliance du marxisme-léninisme et du national-socialisme. Sartre écrit sur le pacte. « Je n'avais pas d'objection contre ça en soi. Après tout, à Munich, les puissances occidentales avaient abandonné la Russie. Il était évident que le prochain geste de Hitler serait de s'attaquer à la Pologne. » Il avait obtenu les Sudètes sans coup férir. Il était évident qu'il avait des vues sur la Pologne et Staline avait de bonnes raisons de penser que l'Ouest le laisserait s'en emparer. Il fallait donc qu'il s'y prépare. Sixième point, Sartre a été mobilisé. Il a fait son service militaire comme météorologue en Alsace et en 1940, il est fait prisonnier en Lorraine. Il est dans un stalag en Allemagne où il passe 7 mois de détention. Il lit la Bible, Heidegger, et rédige un texte qu'il nous faut lire encore aujourd'hui, il a été longtemps introuvable, il est maintenant dans l'édition de la Pléiade, qui s'appelle Baryona, qui est une petite pièce de théâtre qui a été écrite par Sartre sur place pour fêter Noël dans le Stalag. Et Gilbert Joseph, qui est quelqu'un qui a écrit un livre considérable et terrible pour Sartre et Beauvoir, un livre qui s'appelle « Une si douce occupation », un homme qui a raconté beaucoup de choses sur Sartre et Beauvoir, sur le pétinisme de Merleau-Ponty, etc., etc. Un homme qui, d'ailleurs, a été traité d'historien vichiste. Et ce pauvre monsieur, quand il a fait son livre, a été obligé de dire qu'à 17 ans, lui, il était résistant dans le Vercors et qu'on ne fait plus vichiste. Et effectivement, c'est à lui qu'on doit ce genre d'informations parce que lui trouve effectivement que la résistance, l'engagement de Sartre et Beauvoir, tout de même. Et il rapporte, Gilbert Joseph, que dans cette pièce et dans la mise en scène qui en a été faite, après avoir eu des témoins, des gens qui étaient au Stalag avec Sartre, il y avait donc des juifs pouilleux qui étaient mis en scène derrière des barbelés et que ça a bien fait rire les soldats allemands. Dans ce Stalag, il est nourri, chauffé, traitement de faveur, il est interprète, il est planqué, nous dit-il, c'est l'expression qu'utilise Simone de Beauvoir, à l'infirmerie, et il est libéré officiellement par les nazis en 1941. Il prétend que dans un premier temps, il a simulé la maladie, devant les nazis tout de même, hein, et qu'on lui a juste mis un coup de pied au derrière en disant qu'on avait bien compris ses manœuvres, mais que finalement il s'est évadé. Le mot « évasion » est chez Simone de Beauvoir. Sartre s'est donc évadé du Stalag. Sartre ne s'est pas évadé du Stalag. L'hypothèse de Gilbert Joseph, c'est que finalement on l'a libéré pour bon et loyaux service. Il avait bien fait rire la soldatesque du Stalag et on avait trouvé qu'on pouvait bien le renvoyer. Et Gilbert Joseph s'appuie sur un certain nombre de témoignages de gens qui étaient au Stalag avec lui. Et il y a une autre hypothèse, elle est encore moins reluisante, c'est que Sartre aurait été libéré sur intervention de Drieux-La Rochelle. Il y a dans les carnets, les journaux du collaborationniste notoire que fut Pierre Drieux-La Rochelle, des notes qui montrent que Drieux est intervenu pour faire libérer des écrivains. Et on pense qu'effectivement, Sartre a été libéré sur intervention, possiblement libéré sur intervention de Pierre Drieux-La Rochelle. Ce n'est pas forcément déshonorant, mais ce qui est déshonorant, c'est de dire qu'on s'est évadé. Le mot « évasion » a été écrit à plusieurs reprises dans les œuvres de Simone de Beauvoir. Il y a peut-être pire aussi, c'est que Sartre, qui prétend qu'il a été résistant, et qui nous donne des détails, ils auraient rédigé des tracts, ils auraient distribué des papiers, Sartre aurait même écrit un projet de constitution. Il en aurait même envoyé un au général de Gaulle, aucune trace du projet de constitution envoyé au général de Gaulle, il en aurait perdu un exemplaire dans le train. Il prétend qu'il a créé un groupe qui s'appelait Socialisme et Liberté, qu'ils ont distribué des tracts, donc il y a une espèce de résistance qui nous est présentée, Sartre s'est évadé, il est résistant, il y a un groupe, ça s'appelle Socialisme et Liberté, etc. Sauf que la Bibliothèque nationale a publié un catalogue des périodiques clandestins diffusés en France de 1939 à 1935 et qu'on n'a retrouvé aucune trace des textes ou des tracts ou de l'existence même de Socialisme et Liberté. Monsieur Gilbert Joseph a contacté Henri Noguer, qui avait publié une histoire de la résistance en 5 volumes, et il dit ce que Noguer lui a fait savoir. En une vingtaine d'années consacrées à des recherches et à des travaux sur l'histoire de la résistance en France, je n'ai jamais rencontré Sartre ou Beauvoir, écrit Henri Noguer. Il y a donc eu une espèce de fiction de résistance. En revanche, il y a eu une collaboration. Je mets collaboration entre guillemets et vous verrez vous-même si vous levez les guillemets ou non, de Jean-Paul Sartre, qui a publié dans des revues collaborationnistes, dans une revue collaborationniste, Comédia, et Simone de Beauvoir, qui a travaillé à Radio Vichy. Dans Comédia, Sartre écrit un texte le 21 juin 1941. Simone de Beauvoir nous dit qu'il n'a écrit qu'une fois. Et je cite Simone de Beauvoir, elle dit « Elle fut aussi la dernière, car une fois le numéro sorti, Sartre réalisa que Comédia était moins indépendant que ne l'avait dit, et sans doute espéré, Delange, le directeur. » Il y a dans cette revue-là des textes antisémites. C'est visible. Même s'il a écrit sur Melville, même s'il a écrit des textes qui n'étaient pas antisémites, il a publié sur Melville dans une revue qui, elle, était notoirement collaborationniste et publiait des textes antisémites. Simone de Beauvoir dit qu'il n'écrit qu'une fois. En fait, il écrit une deuxième fois, le 5 février 1944, c'est-à-dire 4 mois avant le débarquement. C'est un hommage à Jean Giraudoux, qui vient de mourir. Qui est Giraudoux ? Giraudoux, c'était l'ami du ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Giraudoux, c'était le commissaire à l'information du régime de Vichy. Giraudoux, c'est l'auteur, en 1939, d'un livre qui s'appelle « Plein pouvoir ». Dans ce livre-là, il éructe contre le métissage, et notamment contre le cosmopolitisme des Juifs ashkénazes. Petite citation de Giraudoux, dont Jean-Paul Sartre fait l'éloge dans une revue collaborationniste. Giraudoux écrit, en parlant de ces fameux Juifs ashkénazes, « Nous les trouvons grouillants sur chacun de nos arts ou de nos industries nouvelles ou anciennes, dans une génération spontanée qui rappelle celle des puces sur un chien à peine né. » On trouve également dans ce même livre de Jean Giraudoux, son biographe avait fait savoir que j'exagérais et m'avait mis en demeure d'apporter mes preuves, donc je les ai. On trouve aussi cette phrase-là, deux points vrais guillemets, Jean Giraudoux, 1939. « Le pays ne sera sauvé que provisoirement par ses seules frontières. Il ne peut l'être définitivement que par la race française. Et nous sommes pleinement d'accord avec Hitler pour proclamer qu'une politique n'atteint sa forme supérieure que si elle est raciale. » Fin de citation. 2 mois plus tard, en avril 1944, Sartre publie dans les lettres françaises clandestines « Il s'agit de ne pas insulter l'avenir ». Il aurait donc écrit une fois. En fait, on voit deux fois. Il écrit aussi une troisième fois. Il intervient une troisième fois dans Comédia. Un entretien au journal, le 24 avril 1943. C'est pour défendre les mouches. On entre pas dans les détails non plus de cette pièce dont on prétend qu'elle est résistante, mais elle nous parle de la liberté ontologique et pas de la liberté politique. Il joue sur cette confusion. Sartre, il fait l'éloge de la liberté ontologique. Il n'en fait même pas l'éloge. Il nous dit que, de toute façon, on est condamné à cette liberté-là. Donc, quand on est condamné à une liberté, il n'y a pas de raison de se battre pour la conquérir. Donc, c'est même franchement un texte qui s'opposerait ontologiquement à la libération à laquelle travaillent les véritables résistants. Il en profite à l'époque pour tacler le juif Bergson et sa conception de la liberté. Le même journal Comédia fait de Jean-Paul Sartre l'auteur de l'année 1943. Ce fameux René Delange, patron du journal, pistonne Simone de Beauvoir pour un travail à Radio Vichy. Sartre accepte, il déjeune avec lui, et il écrit à Simone de Beauvoir, dans une lettre datée du 8 juillet 1943, « J'ai accepté pour vous d'enthousiasme ». Simone de Beauvoir travaille à Radio Vichy du 17 janvier 1944 au 10 avril 1944. À la Libération, Sartre nie avoir donné un seul texte à ce journal. Il dit qu'il n'a écrit aucun texte. Il écrit ça dans une lettre au juge Soussman, qui, lui, est chargé d'instruire le dossier de la revue. Et cette lettre-là, elle est citée par Gilbert Joseph, et je cite la lettre de Sartre. Sartre écrit, en parlant de Delange, hein, « Je lui ai demandé si je serais libre d'écrire ce que je penserais, même à l'occasion d'un ouvrage sur Céline, et il m'assura que je serais parfaitement indépendant. Néanmoins, je décidai, après consultation de mes amis, c'est Sartre, hein, de m'abstenir de toute collaboration. Je le fis non pas par défiance de comédia, mais pour que le principe d'abstention ne souffrit aucune exception. » Voilà des faits. Voilà qui est le Jean-Paul Sartre qui juge Albert Camus. Qui est cet Albert Camus jugé par Jean-Paul Sartre dans les mêmes périodes? Dans les mêmes périodes, on démarre en 1935, en août-septembre, c'est pas très bien la date, mais c'est fin août ou début septembre, Albert Camus adhère au Parti communiste par anticolonialisme. Par anticolonialisme. Il a 22 ans à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il ne justifie pas le colonialisme de l'Hexagone sur l'Algérie. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux de ce qui se passe dans l'Algérie avec ce régime colonial et qui adhère au Parti communiste parce qu'à l'époque, le Parti communiste est sur des positions anticolonialistes. Il vient d'avoir sa licence de philo. Jean Grenier, qui est son professeur de philosophie, bien que très anti-marxiste, très anticommuniste, conseille à son élève de s'inscrire au parti. Ce sera l'occasion entre les deux d'un peu de tirage. Le communisme de Camus n'a rien à voir avec le matérialisme dialectique. C'est une fidélité à son enfance, c'est une fidélité à son milieu, c'est une fidélité aux pauvres qu'il connaît. Et c'est aussi l'occasion pour lui d'une préparation spirituelle. Alors c'est un peu compliqué à imaginer qu'on puisse rentrer au Parti communiste pour des raisons métaphysiques, ontologiques ou spirituelles. Dans une lettre à Jean Grenier, Camus dit qu'il ressent le communisme comme une préparation, comme une ascèse qui préparera le terrain à des activités plus spirituelles. C'est-à-dire qu'il s'agit d'affiner son esprit dans cette communauté qu'il veut avec les gens de peu, qui sont soutenus et défendus, théoriquement, par le Parti communiste à cette époque-là. Au Parti communiste, il veut, dit-il, c'est une citation, « retrouver le sens de son éternité ». Je préciserai, le moment venu, ce que ça peut signifier, être communiste, plotinien, nietzschéen, se réclamer des extases lyriques de la natation à Tipaza, du sable, de la beauté, de la lumière, du soleil, etc., et être communiste en même temps. Il y a un désir d'élargir le plaisir qui est le sien à la planète entière. Donc c'est effectivement un désir de spiritualité partagée qui lui fait entrer à cette époque-là au Parti communiste. Le PC à cette époque-là lui demande de recruter des adhérents parmi les Arabes et les musulmans, ce qu'il fait. Il amène un certain nombre de personnes au parti et le Parti communiste change de stratégie. Fini l'anticolonialisme. Staline a décidé que maintenant c'était l'antifascisme qui primait, l'antifascisme de droite, c'est-à-dire qu'il fallait se battre contre les menaces d'Adolf Hitler et contre la réalité de Mussolini. Et donc, à partir de ce moment-là, Camus quitte le Parti communiste en août-septembre 1937, après y avoir passé donc 2 années. Ce temps au Parti communiste, il est prolongé par un militantisme particulier que j'ai appelé un gramschisme méditerranéen. Le gramschisme renvoie à Gramsci, qui est un communiste particulier qui considère que il faut conquérir les cœurs, les âmes, les esprits, la raison et l'intelligence avant de conquérir véritablement le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut travailler intellectuellement à la promotion des idées de la Révolution. La Révolution, ça n'est pas qu'une brutalité, ou ça ne doit pas être une brutalité putschiste, ça doit être précédé par une réflexion, une méditation, une invitation à réfléchir sur la nécessité de la Révolution. Donc il y a un gramschisme chez Albert Camus, et il est méditerranéen. C'est un militant de la culture. Il pense à cette époque-là qu'on doit pouvoir convaincre, convertir les gens par le théâtre, par la culture. Entre 1935 et 1937, il fonde le Théâtre du Travail, à l'automne 1935. C'est à ce moment-là qu'il met en scène une pièce de Malraux, Le Temps du Mépris. Il a une passion pour Malraux à cette époque-là. Et puis, premier geste anarchiste, un texte qui s'appelle « Révolte dans les Asturies », on n'entre pas dans le détail non plus, mais c'est une célébration des républicains, des anarchistes espagnols, et c'est une critique du fascisme franquiste, du général Franco. C'est un texte qu'ils écrivent à plusieurs, mais on sent la main d'Albert Camus dans cette histoire. Un militant communiste, évidemment, c'était les méthodes déjà à l'époque, l'accuse d'avoir volé dans la caisse. On voit mal Camus qui mettait de l'argent dans cette aventure, voler l'argent de recettes qui parfois même n'existaient pas. Donc il quitte ce théâtre-là pour en créer un autre qui s'appelle le Théâtre de l'Équipe. Pendant ce temps-là, il continue ses études. Il fait ce qu'on appelait jadis une maîtrise extrêmement intéressante qui s'appelle « Métaphysique chrétienne et néoplatonisme » et qui est sous-titrée « Plotin et Saint-Augustin », deux philosophes africains. Saint-Augustin, donc évêque d'Hippone, Kabyle. Il est Kabyle, lui, et Plotin, qui est alexandrin d'Alexandrie, qui est un Égyptien, deux philosophes qui sont de ce côté-là de la Méditerranée. Et c'est très intéressant pour Camus de penser la philosophie de ce bord-là de la Méditerranée en disant que ce n'est pas la même chose d'étudier le christianisme de Saint-Augustin, par exemple, et puis la philosophie de Kant, qui, elle, est protestante. Ce n'est pas la même chose de réfléchir à partir de Plotin, l'Égyptien, et des extases mystiques de Plotin, et puis de Descartes, qui est un Français, qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est une maîtrise dans laquelle il est tout entier. Il pense que le génie algérien doit pouvoir féconder une Europe nihiliste et décadente. Cette Europe nihiliste et décadente, c'est la guerre qui s'annonce, c'est les fascismes qui s'installent, ce sont les violences et les brutalités. Et Camus dit, l'Europe, elle est apollinienne, elle est dans l'ordre, elle est dans la hiérarchie, elle est dans la pulsion de mort aussi. L'Algérie, elle est de l'autre côté, elle est dionysienne, dionysiaque, elle aime la vie, elle aime tout ce qui est bachique, la danse, l'orgie, la plage, la natation, les femmes, la beauté du soleil, la lumière, etc. Et il faut, nous dit Camus à cette époque-là, que le génie méditerranéen féconde l'Europe décadente. On ne peut pas aimer plus et mieux l'Algérie que ça. La proposition qui était la sienne pour une Algérie qui soit débarrassée du colonialisme, c'était une proposition dionysiaque, c'était une proposition confédérée, c'était une proposition libertaire. Et donc, du début jusqu'à la fin, Camus a voulu que le soleil fasse la loi, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la fraternité, la solidarité, le partage, et non pas, de l'autre côté de la Méditerranée, les camps de concentration, les barbelés, la brutalité, les casques et les bottes. Il écrit un très beau texte qu'il prononce, qui lui sert de conférence pour une intervention à la Maison de la Culture le 8 février 1937, « La culture indigène, la nouvelle culture méditerranéenne ». C'est dans cet endroit qu'il fait l'éloge du sensualisme, de l'hédonisme, du goût de la vie, de la volupté, du plaisir à être et à vivre qu'on trouve en Algérie. Et il dit il faut exporter ça en Europe. Notre joie de vivre, notre amour de la vie, eh bien, il faut que nous l'emportions de l'autre côté de la Méditerranée et il faut pour ça nourrir l'Europe qui en a bien besoin. En même temps, il se marie avec une femme assez extravagante qu'il fauche à Max-Paul Fouché. Héroïnomane, elle porte des tenues extravagantes, elle est aussi, elle connaît bien la poésie, elle cite des poèmes par cœur, enfin, elle plaît beaucoup autour de lui, sauf qu'elle est droguée. Camus pense qu'il va la sortir de cette histoire, en fait, il ne l'en sortira pas jusqu'à ce qu'il découvre que sa femme le trompe avec le médecin qui lui fournit ses doses de morphine. Et il écrira quelques pages terribles dans des fictions où il montrera la douleur qui est la sienne à ce moment-là. Il nous dit que l'esprit méditerranéen transforme tout ce qu'il touche. Et il prend l'exemple, il ne développe pas, mais enfin il nous le dit à ce moment-là, du christianisme et du fascisme. Il dit « Regardez, le christianisme d'un bord ou de l'autre de la Méditerranée, ça n'est pas la même chose. Le fascisme non plus. » Il dit « Le fascisme mussolinien, ça n'est pas le national-socialisme. » Le national-socialisme, il est dans l'esprit d'une Allemagne luthérienne. Le catholicisme, il est dans l'esprit d'une romanité qui, elle, est très inspirée par le sud de la Méditerranée. Donc il dit « c'est pas la même chose ». Il y a une brutalité dans le national-socialisme qui n'existe pas dans le fascisme italien, dit-il. Hein. C'est une pensée d'Albert Camus. De fait, on peut imaginer, pour aller dans son sens, qu'il n'y a pas eu de Shoah ou l'équivalent d'une Shoah ou d'une volonté de détruire systématiquement les Juifs sur la terre italienne quand elle fut fasciste. Même chose pour le christianisme, il nous dit, c'est pas du tout la même chose que de vouloir un catholicisme du parfum, de l'encens, des chants, et puis d'être dans une religion de l'austérité, de la rigueur et de la rationalité pure. C'est aussi Albert Camus, un journaliste de gauche. C'est quelqu'un qui pense que la philosophie, ça n'est pas une affaire de philosophe, ça n'est pas une affaire d'éditeur de philosophie, mais que c'est une affaire qui doit concerner tout le monde, et le journalisme est une bonne occasion de philosopher. De fait, le journalisme est la meilleure et la pire des choses. C'est la meilleure chose quand il est soutenu par un idéal, et la pire des choses quand ce sont les puissances de l'argent qui le constituent et qui l'instrumentalisent. Alger Républicain est créé en 1938 pour soutenir le projet Blum-Violette. Le Front populaire souhaite en effet une égalité de statut entre les Algériens musulmans et les Français de l'Hexagone. Et ce projet-là, évidemment, il y a un certain nombre de gens qui n'en veulent pas. Et Camus défend ce projet-là. Une égalité juridique de part et d'autre de la Méditerranée. Alger Républicain est créé pour ça. En 1938, il a 25 ans. Il écrit, je vous fais comme ça une liste en passant pour vous montrer qu'il est déjà très engagé politiquement alors que Sartre passe complètement à côté du sujet. Il critique le fascisme européen, le colonialisme de Mussolini, le national-socialisme, bien sûr. Il défend le peuple kabyle, il défend les congés payés, s'insurge contre le chômage, prend la défense des travailleurs immigrés. Il y a même un texte dans lequel il défend l'avortement. À cette époque-là, défendre l'avortement dans un journal en Afrique du Nord en 1938, c'est audacieux, pour le moins. L'année suivante, 1939, il écrit dans un article du 4 juillet un joli texte qui est un compte-rendu de lecture, mais qui est plus qu'un compte-rendu de lecture. C'est un compte-rendu du livre d'Albert Olivier sur la Commune. Et c'est l'occasion pour lui de célébrer sa formule politique, formule qui n'est pas marxiste-léniniste et bolchevique. Il célèbre la formule de la fédération, de la Commune, de cette façon de faire du socialisme sans camp de concentration, sans barbelés, sans crime ou sans terreur. S'il y a eu du sang versé, c'est parce que les Versaillais y ont invité. Mais a priori, elle est ultra positive, la Commune. On construit, on fabrique, on prend les enfants, les orphelins en considération, les femmes qui n'ont pas de travail, les ouvriers. On fait concrètement un certain nombre de choses sur les ateliers, sur le travail, sur le temps de travail, sur les conditions de travail, etc., etc. Il fait l'éloge de la Commune à cette époque-là et nous dit que le marxisme a détruit cette belle idée. Et de fait, le marxisme a considéré que ça n'était pas la bonne façon de faire de la révolution, puisque la Commune était plutôt proudhonienne, disons plutôt libertaire que marxiste. Marx n'a pas d'ailleurs beaucoup aimé la Commune. Et lui défend la Commune en nous disant qu'elle est un creuset. Il se réclamera plus souvent de la Commune que de la Révolution française. La Révolution bolchevique se réclame plus d'une certaine Révolution française, celle de Saint-Just et de Robespierre. Lui, Camus, se réclame de la Commune en pensant que, et à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans son œuvre, qu'elle est un modèle à suivre. Le 17 septembre, dans Le Soir républicain, il envisage de faire la guerre sans l'aimer, selon la formule de Malraux. En novembre, il critique les régimes totalitaires. Régime totalitaire, l'expression est sous la plume d'Albert Camus. Et il souhaite une résistance européenne aux dictatures. La guerre est déclarée le 3 septembre 1939. Il veut s'engager. Il fait les démarches, on le lui refuse, l'engagement, puisqu'il est tuberculeux. Il essaiera une seconde fois de s'engager, une seconde fois, on lui refusera. Bon, ce n'est pas exactement la même chose que Sartre qui lit la Bible et Heidegger dans un stalag et se fait libérer par Drieu-La Rochelle. Deux fois, il cherche à s'engager pour faire la guerre. En 1941, à Oran, les choses ne sont pas dites, ce n'était pas le genre de Camus de se faire mousser avec ce genre de choses et d'en faire des articles pour le dire en permanence. Le régime de Vichy avait interdit l'école aux enfants juifs. Les enfants juifs n'étaient donc plus scolarisés. Eh bien, Camus donne des cours clandestins à ses enfants juifs dans la ville d'Oran. C'est l'époque où il termine L'étranger, mai 40, le mythe de Sisyphe, 21 février 41, et il commence à prendre des notes sur la peste. Et il arrive en France pour des raisons de santé. C'est à cette époque-là, parce que le climat lui conviendrait mieux, dit-on, en France. Il rencontre à ce moment-là Sartre et Beauvoir en 1943. C'est à la générale des Mouches, de la représentation des Mouches. Camus a été donc résistant avant la résistance. C'est-à-dire que quelqu'un qui, en 1939, cherche à s'engager, qui par la suite l'est dans les premières heures, puisque, je vous dis, 41 Oran, et puis, par la suite, un certain nombre de choses dont on ne connaît pas le détail, parce que Camus ne les a pas données. On sait juste qu'en juillet 1943, il publie les lettres à un ami allemand dans la revue Libre. qu'en octobre, il entre en contact avec le journal Combat, qui est un journal clandestin, qu'en décembre, il publie sa deuxième lettre à un ami allemand, que c'est l'occasion pour lui de réfléchir sur la question du nationalisme en disant qu'il y a au moins deux façons d'être nationaliste, une façon française, une façon allemande, une façon généreuse, qui consiste à dire que nous sommes une nation de l'universel qui accueille, et puis une façon qui l'est moins, et qui est nationaliste, belliqueuse, belliciste, celle de l'Allemagne. Très beau texte, lettre à un ami allemand. En décembre, il rencontre Claude Bourdet, qui est le responsable du Comité national de la Résistance, et participe à des activités clandestines dont il ne donne pas le détail. Mais à plusieurs reprises, on sait qu'il y joue sa peau. Et il s'agit de déplacer dans Paris, de placer et de déplacer des journaux. Il le fait physiquement, il est armé. Quelques-uns de ses amis se feront tuer. C'est une véritable résistance. Pendant ce temps-là, il travaille à La Peste, qui est un grand livre antifasciste, c'est pas les mouches, qui est présenté comme une pièce de théâtre antifasciste, alors qu'elle ne fait jamais que l'éloge de la liberté ontologique. Comme je vous le disais tout à l'heure, La Peste est vraiment un grand roman antifasciste, à lire de toute urgence avec cette clé-là. C'est un livre antifasciste, contre tous les fascismes, de droite et de gauche. Les fascismes bruns et les fascismes rouges, et d'autres qui sont les fascismes d'aujourd'hui. Il devient éditorialiste, rédacteur en chef, journaliste dans Combat, et entre le 21 août 1944 et le 3 juin 1947, il publiera plus de 150 articles sur l'occupation, la résistance, la collaboration, la libération, l'épuration, des pages magnifiques de philosophie politique. Il réfléchit sur l'après-guerre, sur l'Europe post-nazie, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Europe effondrée, ravagée. Il pense à la nécessité d'un nouvel ordre international, on reviendra sur le détail de ces choses-là, avec, d'une part, un socialisme qui nationalise, et d'autre part, une société qui rend possible la liberté. Il s'agit de tenir à la bonne distance ces deux concepts-là, la nationalisation, l'étatisation, la collectivisation des biens et la liberté personnelle et individuelle. Sartre fera l'économie, comme on le sait, de la liberté individuelle au profit de la seule nationalisation et du seul régime de collectivisation. À la sortie de la guerre, Albert Camus est devenu une vraie conscience morale. Une vraie conscience morale. Il a d'ailleurs la rosette de la résistance. C'est une distinction qui a été assez peu décernée. Et quand il a le prix Nobel de littérature à Moscou, ça c'est pour Sartre, c'est à Stockholm, on lui dit qu'il faut porter ses décorations. Sa femme lui achète la décoration pour pouvoir la porter. Il ne la porte pas. Il refuse de la porter. En revanche, il porte une décoration que le gouvernement espagnol en exil, au Mexique, je crois, lui avait décernée. C'est-à-dire qu'il ne fera jamais usage de ses faits d'armes dans la résistance, contrairement à ce que diront Sartre et Brochet, qui font savoir qu'il ne peut pas faire une phrase sans dire qu'il a été résistant. C'est pas vrai. Il n'a jamais excipé de ce passé-là, lui. Et en revanche, quand il aurait pu le faire, eh bien, ce qu'il arbore, c'est la médaille du gouvernement espagnol en exil. Pendant l'après-guerre, évidemment, Sartre rentre dans les comités d'épuration, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Jean-Paul Sartre, qui écrit dans Comédia, qui dit du bien de Jean Giraudoux, et la Simone de Beauvoir, qui, etc., etc., disent du bien des éditeurs qui ont collaboré, Bernard Grasset, Gaston Gallimard. Et évidemment, Sartre dit « Mais Gallimard, qui est mon éditeur, n'a pas collaboré. » Et Gallimard qui dit « Mais Jean-Paul Sartre, qui est mon auteur, n'a pas collaboré non plus. » Et embrassons-nous Folleville, puisque une partie des gens qui sont dans ces comités d'épuration ont été des communistes de la première heure, qui, eux, ont été des gens qui souscrivaient au pacte germano-soviétique. C'est-à-dire que ces gens qui demandaient aux autorités d'occupation allemande que l'humanité puisse reparaître parce qu'ils avaient des ennemis communs, ce sont les mêmes qui épurent à la libération en expliquant qui s'est bien comporté, qui s'est mal comporté. Le PC, à ce moment-là, devient le parti des 75 000 fusillés. Légende, il n'y a jamais eu 75 000 fusillés. Et il y en aurait-il eu 75 000 que tous n'auraient pas été communistes, mais c'est une légende qui s'installe. Ça devient le parti de la résistance, ça devient le parti de Guy Môquet, ça devient, enfin vous connaissez un peu l'histoire, et le Parti communiste devient un ascenseur social à cette époque-là. Simone de Beauvoir écrit dans La force des choses concernant la libération. Cette victoire effaçait nos anciennes défaites, elle était la nôtre, et l'avenir qu'elle ouvrait nous appartenait. Les gens au pouvoir, c'était des résistants que plus ou moins directement, on appréciera, que plus ou moins directement nous connaissions. Parmi les responsables de la presse et de la radio, nous comptions de nombreux amis, la politique était devenue une affaire de famille et nous comptions bien nous en mêler. 17 ans après la libération, Sartre adhère à la Société des gens de lettres. Il faut remplir un document pour ça. À la rubrique « Guerre », Sartre écrit « prend une part active à la résistance et aux barricades de Paris. À cette date-là, Camus est mort depuis 2 ans, c'est la grande époque de la gloire pour Jean-Paul Sartre. Et de fait, le Parti communiste fait à peu près un quart des voix à cette époque-là, et vous avez un nombre considérable de gens qui sont communistes ou sympathisants dans le monde intellectuel à l'époque. Éluard, Aragon, Ponge, Gide, Picasso, Léger, Merleau-Ponty, Garaudy, Cogève, Edgar Morin, Léris, Marguerite Duras, Lefebvre, Vernant, De Senty, Vercors, et évidemment Sartre et Beauvoir. C'est-à-dire que, pour conclure, le texte que Sartre diligente pour critiquer l'homme révolté, en envoyant en première ligne Janson, pour éviter justement que ce soit lui, Jean-Paul Sartre, qui écrit véritablement le texte, mais on sent bien que ça a été discuté et pensé en conseil de rédaction, ce texte-là, en comité de rédaction, ce texte-là, il entre dans la perspective, effectivement, de la destruction programmée d'un Albert Camus qui est gênant. C'est gênant, cet homme qui a effectivement un trajet impeccable, surtout quand, comme Sartre, on a eu le trajet que vous savez désormais. C'est donc dans une perspective de guerre froide qu'il s'agit de criminaliser Albert Camus. Et la criminalisation d'Albert Camus, eh bien, elle va marcher. Parce que Camus est un homme tout seul, parce qu'il n'est pas normalien, parisien, mondain, héritier, il n'est pas universitaire, il n'a pas avec lui telle ou telle institution, il n'a pas de revue comme les autres ont les temps modernes, il n'est pas soutenu par des individus puissants ou influents, il est tout seul. Et de fait, la légende est facile à construire de la part de Sartre, Beauvoir, Merleau-Ponty, Janson, l'équipe des temps modernes, Claude Lanzmann et quelques autres. On fabrique effectivement un personnage qui n'existe pas. Un Albert Camus de droite, penseur néocolonialiste, un personnage qui serait dans la morale moralisatrice, le philosophe des Boy Scouts, etc., etc., le philosophe des classes terminales. Ils continueront pendant des années à se comporter comme ça. En 1970, alors que Sartre est passé aussi à côté de mai 68, eh bien, il s'agit de reprendre du poil de la bête, et il s'agit à ce moment-là pour Sartre de faire de la surenchère. C'est l'époque où il devient maoïste, où il se met à défendre la cause du peuple, à dire des choses terribles pour défendre les régimes les plus sanguinaires de la planète. Et on envoie cette fois-ci Jean-Jacques Brochier publier ce fameux livre, Camus, philosophe pour classe terminale, 1970, parce que Sartre et les Sartriens pensent que plus on salira un homme impeccable, plus on polira la statue de gens qui n'ont pas été impeccables. Donc ce que je me proposerai dans les séances qui suivent, eh bien, c'est de montrer un Camus véritable, tel qu'en lui-même, débarrassé de la légende sartrienne. Et vous verrez, cet homme-là est un philosophe impeccable. Il y a deux biographies qui font autorité pour Albert Camus. Celle d'Herbert Lotman, Albert Camus au seuil, et puis celle d'Olivier Todd, Albert Camus, une vie, chez Gallimard, préférée celle de Lotman. Les entretiens avec John Guérassi, entretiens avec Sartre chez Grasset, c'est un livre extraordinaire. C'est Grasset qui a publié ça récemment. Et puis l'hommage que je voudrais rendre à Gilbert Joseph, dont je ne sais pas s'il est toujours vivant, d'une si douce occupation, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, 1940-1944, chez Albin Michel. Voilà pour la biblio. C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, Benoît Cousin, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Véronique Villa. Demain, généalogie d'un tempérament libertaire. Thank you.